Bonjour, ici Valérie Levé. Et François Grégoire. Vous écoutez Futur Simple, votre magazine de culture scientifique préféré. Génie génétique, intelligence artificielle, l'énergie nucléaire, l'évolution, paléontologie, voilà quelques exemples de savoirs qui dérangent parce qu'ils heurtent nos croyances religieuses ou autres, parce qu'ils remettent en question la place de l'homme dans la nature ou parce qu'on ne sait pas où ils vont nous mener. Alors, les savoirs qui dérangent, c'est le thème de l'émission spéciale que nous vous proposons ce soir. Pour parler de ces savoirs qui dérangent et pour comprendre en quoi ou pourquoi ils nous dérangent, nous avons autour de la table Jean-René Roy, astrophysicien et professeur associé au département de physique à l'Université Laval. Bonjour Jean-René. Bonne fin d'après-midi. Nous recevons également Édith Delury, professeure émérite à la Faculté de droit de l'Université Laval et présidente sortante de la Commission de l'éthique en sciences et en technologie du Québec. Bonjour Édith. Bonsoir. Et nous recevons également Cyril Barrette, professeur émérite au département de biologie à l'Université Laval et spécialiste de l'évolution et du comportement animal. Bonjour Cyril. Oui, bonsoir à vous tous. Alors, bienvenue à vous trois et merci de participer à cette émission spéciale dont l'idée originale est de Jean-René Roy. Oui, puis sans plus tarder, parce que je pense que nous avons beaucoup de choses à entendre, on va faire un tour de table pour que chacun, dans leur domaine, donc astrophysique, biologie, évolution, peut-être plus bioéthique, éthique des sciences et de la technologie, on va faire un tour de table pour que chacun de nos invités nous dise quels sont ces savoirs qui les dérangent et pourquoi. Alors on commence peut-être, commençons donc par Cyril. Alors, j'ai une liste de savoirs. J'en ai trois ou quatre importants et plus volumineux et six ou sept un peu plus petits en biologie. Donc, je ne vous donnerai pas tout ça tout de suite. Je pense que le savoir qui dérange le plus de la biologie, on le doit à Darwin en 1859 et 1871, qui vient nous dire que l'humain n'est pas en dehors de la nature. L'humain est une espèce comme les autres, produite par les mêmes processus aléatoires, relativement aléatoires, que toutes les autres espèces. Et Darwin lui-même était dérangé par ce savoir, parce que si on voit dans sa correspondance, juste après la publication, en 1859, il dit qu'il se sent comme coupable d'un meurtre. Le meurtre étant d'avoir tué l'idée que l'humain avait une relation spéciale avec le Créateur, l'humain était en dehors de la nature, était au-dessus de la nature. Cette idée a été exprimée d'une façon très percutante par Jacques Monod en 1970, dans son livre « Le hasard et la nécessité », où il dit « L'ancienne alliance est rompue ». Ici, il fait référence au meurtre de Darwin. L'ancienne alliance est rompue. L'homme sait enfin qu'il est seul dans l'immensité indifférente de l'univers d'où il a émergé par hasard. Ça frappe, comme on dit, ce genre d'affirmation. Donc, je pense que ça dérange pas seulement les religieux et les croyants, certainement pas seulement les créationnistes. Ça dérange n'importe qui a, ça interpelle, qui a un minimum d'ego. Est-ce qu'on continue le tour de table avec Jean-René? Oui, pour continuer dans la même ligne, ce qui m'a toujours fasciné, c'est que les gens acceptent quelque chose de très complexe comme la relativité générale ou la physique quantique qu'ils ne comprennent pas. Mais plusieurs vont s'objecter exactement à la théorie de l'évolution par sélection naturelle qu'ils s'imaginent comprendre. S'ils la comprenaient, ils seraient encore plus choqués. Peut-être. Pour continuer, j'ai plusieurs exemples possibles aussi, mais il y en a un qui me vient rapidement à l'esprit parce qu'il est simple, entre guillemets, et il est souvent présent dans les médias. Imaginez-vous, auditeur, vous arrivez à la fête de Noël de la famille la semaine prochaine, vous entrez et vous annoncez aux gens « Je suis radioactif ». Donc, vous allez voir, les gens vont partir, les cheveux vont leur dresser sur la tête. Le monde dans lequel on vit, il est radioactif. Il a toujours été radioactif, il le sera toujours. Et en fait, l'élément principal qui est responsable de notre radioactivité, c'est le potassium-40 qui rentre dans notre composition. Mm-hmm. Et toute personne que des éléments chimiques va comprendre un peu cette chose. Donc, ce que je veux signaler ici, c'est peut-être un petit peu un des pourquoi que des gens vont être dérangés par les questions de radioactivité. Évidemment, il y a eu des utilisations de la radioactivité dans sa forme la plus violente, de scinder des noyaux et de faire des bombes atomiques, par exemple. Donc, et avec des retombées, des concentrations de radioactivité importantes, il y a eu, via l'utilisation de grands réacteurs nucléaires, il y a eu quelques incidents, mais le nombre de gens qui meurent par quantité d'énergie générée est des centaines de fois moins que les gens qui meurent par quantité d'énergie générée par le charbon et des choses comme ça. Donc, on prend énormément de précautions avec beaucoup de raisons, évidemment, mais il y a quand même des réactions qui sont peu intrinsèques et qui reflètent peut-être une peur et en particulier un manque de compréhension de ce qui se passe. Et je pense que de pas comprendre ce que c'est, par exemple, la radioactivité, qui est quelque chose de naturel, ça amène finalement qu'on n'a pas tellement une bonne compréhension de ce qui peut se produire et des accidents qui peuvent se produire. Et c'est la même chose dans d'autres domaines. J'imagine que les gens s'objectent, pas tout le monde, à la théorie de l'évolution, mais si on va sur la rue ici, combien de gens savent qu'est-ce que c'est une cellule? Comment c'est fait? Comment ça se modifie? Pas plus que les gens vont vraiment savoir c'est quoi un atome, comment ça possiblement peut évoluer via la radioactivité. Donc, l'aspect ici que je veux signaler, c'est souvent une absence de connaissance, mais pas nécessairement une absence de connaissance qui sera à la source d'une objection ou d'un malaise par rapport à quelque chose. Jean-René, vous êtes astrophysicien. Le Big Bang, est-ce que c'est quelque chose qui dérange? Parce que ça présuppose qu'il y a un début, là. Non, très peu. Je pense qu'il y a... En fait, ça a fait l'affaire de beaucoup de monde. La personne que ça a dérangé, le Big Bang, c'est Georges Lemaître, qui était un prêtre catholique belge. C'est lui qui a, en fait, découvert l'expansion de l'univers, confirmé par d'autres comme Hubble. Et c'est lui qui a proposé, en revers, une théorie physique d'un début de l'univers en utilisant la physique quantique et la relativité générale sous le nom de Big Bang, donc une éclosion à partir de rien. Donc, ce qui a mis mal à l'aise Georges Lemaître, c'est que le Papidou, c'est d'aller dire, voilà, nous avons trouvé l'étincelle dont on parle dans la Bible, dans la Genèse. Et Lemaître dit, charriez pas, monsieur le pape, parce que c'est une théorie scientifique, c'est notre meilleure description du monde à l'heure actuelle, et elle pourrait changer, évoluer. Et à l'heure actuelle, on voit certaines évolutions de cette idée. Mais c'est une idée absolument spectaculaire qui ne dérange pas vraiment les gens. Et si on se tourne maintenant peut-être vers l'éthique en sciences et en technologie, quels sont les savoirs qui peuvent déranger dans ce domaine-là, Edith? Je reviens en fait à ce qui a été dit précédemment par François à propos notamment par Cyril. Et de fait, là, aujourd'hui, avec les possibilités de modification du génome humain, on parle d'édition du génome, là, bon, avec le développement de l'intelligence artificielle, ce ne sont pas tellement les savoirs que l'application qu'on peut en faire. Et le fait, il faut reconnaître aussi qu'aujourd'hui, la différence entre recherche fondamentale, recherche appliquée et application des connaissances, et disons, vraiment la frontière est minime et on assiste effectivement à un développement fulgurant, je dirais, d'applications possibles. Alors avec l'arsenal dont on dispose aujourd'hui, notamment ce qui concerne l'édition du génome, ben, ça renvoie aussi à se demander, bon, qu'est-ce qui constitue l'essence de l'être humain? Qu'est-ce qui constitue sa singularité, sa diversité? Donc ça bouleverse des repères anthropologiques. Bon, on transcende des frontières. On a acquis une maîtrise du vivant, une maîtrise de la matière aussi, mais on ne distingue plus tellement l'être humain des autres espèces vivantes. Donc on raisonne finalement sur le même modèle et ça pose effectivement des problèmes. Quand vous pensez au développement de l'intelligence artificielle, l'utilisation des robots, on fabrique maintenant des robots humanoïdes là, bon, qui peuvent effectivement avoir des capacités de développement qu'on ne connaissait pas antérieurement, mais on se pose la question de savoir, est-ce qu'on va donner la personnalité juridique à des robots? Le Parlement européen vient effectivement d'adopter un rapport dans ce sens-là. Bon. C'est lourd de conséquences. Bon. Et puis, le phénomène de la robotisation, dans cette perspective-là, va poser toute la question de la responsabilité de ces robots-là. Bon. qui va effectivement assumer la responsabilité des actes posés par ces robots-là s'ils ont la personnalité juridique, alors que s'ils ne l'ont pas, eh bien effectivement là, les concepteurs, ceux qui l'ont mis à marché, les utilisateurs pourraient effectivement en fait être responsables des actes posés par les robots. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est de penser aussi en termes d'emploi. Toutes les répercussions, l'impact social que ça pourra avoir. Je lisais que récemment, je pense que c'est Québec International en 2016, avait publié un rapport comme quoi, en 2020, il y aurait 7,1 millions d'emplois qui seraient supprimés contre 2,3 millions mm-hmm. d'emplois qui seraient créés. Et puis, l'ONU a publié dans la même année un rapport à l'effet que, le tiers des emplois dans les pays en voie de développement s'est supprimé. Donc, il y a là un questionnement. Parce que le travail, ça n'a pas seulement une valeur économique. Mm-hmm. Hein, ça a un sens en soi. Mm-hmm. Effectivement. Donc, il y a toute la question de la dignité de la personne, qui est en cause, de l'épanouissement de la personne qui entre en considération. Donc, il y a effectivement toute une série de questions qui sont soulevées par les développements fulgurants auxquels on assiste. Et puis, on peut se demander, pour en revenir aux modifications du génome, jusqu'où on va aller quand il s'agit d'éradiquer des maladies. Là, je pense que tout le monde, effectivement, ne peut pas s'objecter à de tels objectifs. Mais quand il s'agit d'améliorer, d'améliorer les capacités cognitives, d'améliorer en fait les capacités physiques, ça pose aussi des problèmes parce que ça va créer des différences entre les individus. Qui va avoir accès d'abord à ça? Et puis, on va se retrouver avec des alpha plus et des bêta moins comme dans le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Donc, je pense qu'il y a effectivement des réflexions à avoir, des débats de société à faire, en tout cas. Et des balises à poser aussi. Certainement, mais on a déjà des balises à poser, on les viole allègrement. Mais il y a des avenues de recherche qui sont inquiétantes, mais est-ce que c'est une raison suffisante pour fermer ces avenues de recherche de peur des résultats qu'on va trouver? Non, je pense pas. Je parle pas de fermer. Je dis de baliser. De baliser. Parce que c'est ça qui est important. Voilà. Puis c'est d'essayer de réfléchir un peu en amont, parce que quand on voit effectivement la rapidité avec laquelle ça évolue, c'est de se poser les questions de maintenant. C'est pas d'attendre que ça se fasse. C'est ça. Parce que la tendance actuelle, c'est de dire, là, on est devant un fait accompli. Voilà. Donc là, on est pris au dépourvu. Mais si on essaie de réfléchir en amont, si on essaie de se poser des balises collectivement, et pas de faire en sorte qu'on nous les impose, mais je pense que là, effectivement, on peut encadrer ce développement-là et faire en sorte que ça se déroule dans la perspective d'effectivement de rencontrer ce qu'on appelle le bien commun. Problème auquel on face, justement, c'est la rapidité des développements dans ce domaine et dans d'autres. Le problème, c'est que les gens qui doivent intervenir pour poser des balises sont souvent des gens qui sont hors du domaine scientifique et qui ont peine à comprendre ce qui se passe jusqu'à un certain point et qui doivent déléguer ces responsabilités d'une façon intelligente. Et on voit que pour des simples problèmes de société comme on a, qui vont des transports en commun dans notre chère ville et à des questions un petit peu plus larges qui reliées au réchauffement planétaire, on a de la peine à intervenir dans des choses qui sont faciles à comprendre. Fait qu'imaginez quand vous essayez d'expliquer à un ministre ici, mais peut-être même M. Barrette le saurait, ce qui est CRISPR, c'est un sacré défi. Et comment intégrer tout ça, c'est le défi de partage des connaissances et aussi de partage de la compréhension qui est un autre défi supérieur. Monsieur Barrette, je parle du ministre. Oui. Et non de Cyril. Je parle du ministre, je m'excuse de la confusion possible. Je pense qu'il y a quand même en fait des organismes qui ont mis en place des organismes qui ont pour but de réfléchir à ces développements-là et d'essayer de proposer des balises. Oui. Donc de conseiller les gouvernements et les organismes internationaux qui sont chargés d'encadrer effectivement ces développements technologiques. Et ces organismes-là sont composés de scientifiques, de sociologues, d'éthiciens, de philosophes. Et je pense que là, il y a une conjonction de connaissances qui fait qu'on est capable effectivement d'avoir une réflexion à partir d'éléments là, qu'on partage. Et par contre, ce que vous soulevez comme problématique, c'est toute la question de la passerelle entre les sciences humaines et les sciences exactes. Malheureusement, je trouve qu'à l'heure actuelle, il y a un grand fossé qui les sépare. Et au niveau de l'encadrement, en fait, du développement des connaissances, je pense que là, il y a quelque chose sur lequel il faut réfléchir. Puis nos universités devraient peut-être y réfléchir, faire en sorte qu'on ne travaille pas en silo, mais qu'on travaille ensemble. Je pense qu'on, je suis d'accord, on est capable de d'essayer de prévoir les effets néfastes éventuels, les effets pervers des nouveaux savoirs. Mais c'est pas dans nos habitudes de faire ça. Il me semble que si le passé est garant du futur, on attend que la découverte soit faite et là on essaie de composer avec, de vivre avec. La technologie et les applications de la technologie vont beaucoup plus vite que la société. Et elles sont différentes de ce qu'on a prévu souvent. Oui, il y a des effets pervers tout à fait inattendus. Mais c'est pour ça qu'il faut comme des espèces d'observatoires, que ces lieux de réflexion dont je vous parle doivent être vigilants, doivent être constants et qui doivent effectivement être écoutés aussi par les gouvernements qui sont en place. Bon. Faut dire qu'en général, ces organismes-là ne bénéficient pas de gros budgets. Bon. Déjà en partant. Mais il y a quand même des systèmes de contrôle dans les... en tout cas dans les pays qu'on connaît, là, qui, entre autres, les organismes de financement de la recherche qui ont un certain contrôle, je pense. Là où il y a un risque de dérapage, c'est plutôt dans la recherche qui est appliquée et là où la recherche sort, les résultats de recherche sortent des laboratoires, d'universités, de la finance et finalement aux mains des industries et tout, qui, pour des visées intéressantes d'amélioration du bien-être, mais aussi de meilleurs profits entrent dans le jeu. Et c'est pas évident, là. Mm-hmm. Ben, vous avez raison en ce qui concerne la recherche qui est financée par les organismes subventionnaires. Bon, puisqu'effectivement, il y a des balises qui sont posées, il y a un regard éthique qui est posé sur, effectivement, les protocoles de recherche qui sont soumis pour fin de subvention. Bon, le problème, comme vous le soulevez, c'est effectivement l'entreprise privée. Et puis, on voit se développer des petits start-up, là. On parlait de CRISPR, là, il y en a deux, trois là, qui se sont mis ensemble pour effectivement développer des kits avec CRISPR là, pour que ça soit mis en marché librement, accessible à tout le monde. J'en ai vu en vente pour quelques milliers de dollars. Ben, même moins que ça, je vous dirais. Ouais. Même moins que ça. Ça dépend ce qu'on veut faire. Alors, donc, il y a ce qu'on appelle des biohackers sauvages là, qui sont en train de développer effectivement des marchés. Et c'est là-dessus qu'il faudrait effectivement avoir un certain pouvoir. Là. Parce qu'il y a la question des mises en marché. Quand c'est mis en marché, il y a des contrôles aussi qui s'exercent. Donc, ce que je vois, c'est que finalement, on est parti des savoirs qui dérangent et on arrive maintenant dans les applications qui dérangent. Et c'est là qu'il manque certains contrôles, probablement. Et si on parlait maintenant, parce que là, c'est qui dérange peut-être le public, un petit peu tout le monde. Mais moi, je me pose la question, est-ce qu'il y a des savoirs qui dérangent les scientifiques eux-mêmes? Il y a les controverses classiques qu'il y a eu, en tout cas en astronomie et en géologie, là, aux exemples auxquels je veux faire allusion. Et souvent, il y a un dérangement des scientifiques parce que les gens fonctionnent avec un schéma de pensée, une tradition et tout, et tout d'un coup, quelqu'un arrive et renverse tout ça. Puis, un bel exemple au 19e siècle, qui va jusqu'au début du 20e siècle, c'est la détermination de l'âge de la Terre. Donc, lentement, au cours du 19e siècle, les géologues et les biologistes, suivant la théorie de l'évolution, ont établi des âges en essayant d'estimer combien de temps ça prend pour accumuler telle épaisseur de strates par érosion et tout. Donc, les géologues et les biologistes, eux, c'était au taux des mutations qui se faisaient pour produire tant d'espèces différentes, arrivaient des chiffres de l'ordre de 500 millions d'années. Et ça, les physiciens étaient incapables d'accepter ça parce qu'ils avaient une théorie pour la génération de l'énergie du Soleil par contraction gravitationnelle. Et l'âge le plus long que vous pouviez avoir, c'était 10 millions d'années. Okay. Donc, d'une certaine façon, ce que les physiciens disaient dérangeait profondément les biologistes et les géologues. Et ce que les géologues et les biologistes disaient dérangeait les physiciens. Donc, je trouve que c'est un exemple et tout, et on est arrivé à une convergence pendant longtemps, des dizaines d'années. Les scientifiques d'un camp vis-à-vis l'autre, et là, c'était discipline par rapport à discipline, étaient dérangés. Un des plus beaux exemples que je trouve, c'est celui de, finalement, tout le débat qui a précédé l'acceptation de ce qu'on appelle la dérive des continents, la tectonique des plaques. Et c'est difficile d'imaginer, moi je l'ai connu, cette transition brutale dans les années 1960, où on a accepté finalement cette théorie pour expliquer la dynamique de la croûte terrestre qui dépendait de ce qu'on a appelé des cellules à l'intérieur de la Terre qui faisaient bouger les continents. Mais ça a pris des années quand même. Ça a pris des dizaines d'années. Ouais. Dès le 19e siècle, ça a été proposé et ça a été... Et là, on est à l'intérieur de la même discipline. Quoique les physiciens, géophysiciens étaient plus en faveur de les qu'on appelle les mobilistes par rapport aux fixistes. Qui voulaient que rien ne bouge. Et la position des géologues, ce qui les dérangeait terriblement d'essayer d'imaginer que ça bougeait, c'est qu'il n'y avait aucun mécanisme physique crédible à l'époque. On ne connaissait pas assez l'intérieur de la Terre. C'est les grandes cellules de convection, la génération d'énergie au centre de la Terre par radioactivité, dont j'ai parlé plus tôt, qui est omniprésente et qui est le moteur de tout ça, en fait. Mm-hmm. La tectonique des plaques, ça fonctionne grâce à la radioactivité. Donc, en fait, dérangement à l'intérieur des communautés. Moi, je les ai vus, les débats entre géologues. J'avais d'ailleurs un collègue à l'université qui était au département de géologie. Quand je parlais de dérive et de tectonique des plaques, il sautait au plafond. Donc, c'était dérangeant. Moi, je trouvais ça un peu dérangeant parce que je voyais que c'était une approche qui me semblait raisonnable, que les géologues s'y opposent avec force, et il y avait une raison. Donc, c'est le genre de choses qui dérangent les scientifiques, mais souvent, c'est à l'intérieur, et ça n'affecte peu le grand public pendant un certain temps. Je fais exception de débats comme est-ce que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil ou le Soleil qui tourne autour de la Terre. Donc là, ça débordait le cadre scientifique et bien au-delà. Mais est-ce que ça arrive que des savoirs dérangent des scientifiques à cause de leurs croyances, par exemple? Ça. Et non à cause de leurs compères qui arrivent à des résultats différents? Certainement, mais je pense une minorité. Moi, en tout cas, personnellement, la plupart des scientifiques que j'ai connus font une distinction entre les genres ou ces domaines-là. Et ils ne voient pas de contradiction entre leurs propres croyances. Ils sont... Comme croire en Dieu, par exemple? Croire en Dieu, un être suprême. Et en fait, à ce qu'ils observent, ils vont mener une carrière scientifique très fructueuse. Sauf qu'on sait, par statistique, par sondage, assez bien fait, que la majeure partie des scientifiques s'affirment non-croyants, agnostiques ou un peu indifférents aux questions d'ordre religieux. Sur cette dernière question en biologie, il me vient deux exemples. Un Québécois, Léon Provencher, qui est un des grands naturalistes québécois, était anti-darwinien. Alors, il était religieux et biologiste, et un biologiste très, très remarquable à son époque. Et très rigoureux, même, j'imagine. Très rigoureux. Et même chose pour Pierre-Paul Grasset, qui est le plus grand zoologiste français, auteur de directeur du grand traité de zoologie qui était en France, dont on ne trouve aucun équivalent en anglais ou en allemand, donc qui est un très grand biologiste, mais qui était violemment, viscéralement anti-darwinien. Et comme Jean-René, je suis assez vieux pour avoir vécu aussi certaines transitions sur des sujets du même genre en biologie de l'évolution. Par exemple, depuis toujours, en recherche paléontologie, on considérait qu'un nouveau fossile qu'on trouvait avait le potentiel d'être un ancêtre. Ouais. Alors, par exemple, à chaque fois qu'on trouve un nouveau fossile d'hominidé, on dit, voilà, c'est l'ancêtre de l'humain. Le chaînon manquant. C'est un des chaînons manquants. Ouais. Maintenant, on sait qu'on doit faire notre deuil de cette idée d'ancêtre. On ne peut plus reconnaître les ancêtres. On ne pourra jamais reconnaître pour sûr les ancêtres. On peut seulement parler de parenté relative, la phylogénie. Ouais. Un deuxième exemple du même genre, c'est qu'avec les méthodes actuelles de classification, la conception qu'on se fait de la classification des espèces, on est obligé d'arriver à la conclusion que les reptiles, les poissons et les invertébrés n'existent plus. C'est dérangeant, effectivement. Ça peut déranger. Ce sont des groupes que nous avons confectionnés. Je vous donne un exemple, par exemple, chez les reptiles. On regarde un crocodile, on se dit le crocodile, dans le fond, c'est un lézard en plus grand. Donc, le crocodile doit être très proche parent des lézards. Mais en fait, on se rend compte que les crocodiles, leurs plus proches parents, ce sont les oiseaux. Ouais. Ils ne sont pas du tout les lézards. Même chose chez les poissons. Le mot qu'on utilise quand on dit poisson, ce groupe, donc, d'animaux qui se ressemblent à peu près, qui vivent dans l'eau, qui respirent avec des branchies. Il y a certaines de ces espèces qu'on appelle des poissons qui sont beaucoup plus proches parents de nous que des truites et des saumons. Donc, on a regroupé des animaux selon nos critères à nous, mais ce n'est pas l'évolution qui les a regroupés. Donc, les poissons, les reptiles, les invertébrés, ça n'existe plus. Mmh. Et mon dernier exemple... Excusez-moi, est-ce que ça, c'était des exemples qui dérangeaient les scientifiques eux-mêmes ou c'était juste la perception du public? Non, ça a dérangé énormément. Quand on a commencé à dire qu'il faut faire notre deuil des ancêtres, il faut faire notre deuil des reptiles. Les reptiles, c'est une vue de l'esprit. Mmh. Ça a dérangé énormément de gens. Moi, je peux témoigner personnellement, ça m'a pris plusieurs années avant de digérer... Ces deux sujets-là, ces deux transitions. Et il y a une transition, une autre encore, qui est beaucoup plus profonde, qui est encore en cours présentement, comme les deux autres, mais plus contemporaine maintenant. Maintenant, il y a des chercheurs en biologie évolutive qui nous disent que l'espèce, ça n'existe pas. L'espèce, c'est une vue de l'esprit. L'espèce n'est pas un contenant qui contient des individus. Et juste autour de la table, je vois plein de points d'interrogation. C'est étanche? Ce qui compte, c'est la variabilité à l'intérieur de l'espèce, la variabilité entre les espèces. Et il faut se débarrasser de la notion d'espèce si on veut comprendre la vie et son évolution. Alors, celui-là, je suis encore en train de le digérer. Je résiste, mais j'ai l'intuition que c'est vrai, que c'est important. Mais voilà, mais ça dérange énormément. Il y a très, très peu de biologistes que je connais aujourd'hui qui vont prendre ça au sérieux. C'est comme la dérive des continents de Jean-René de tantôt. Aujourd'hui, très peu de biologistes vont vous dire que c'est sérieux de dire que les espèces n'existent pas, que c'est une vue de l'esprit. La biologie évolutive de tout le 20e siècle et depuis Darwin avant ça est fondée sur la notion d'espèce. On nous dit maintenant l'espèce, ça n'existe pas. Donc, ça dérange énormément. Et ça risque d'éventuellement, ce dérangement-là risque de se déporter vers le public aussi. Quand on va dire ça dans les écoles, les espèces n'existent pas. Il va leur refaire les manuels scolaires. Vous dire. En fait, vous parlez effectivement comme scientifique, mais par rapport au public, je pense qu'effectivement, ça peut présenter des points de rupture. C'est tout un système de représentation qui sont en cause. Puis on risque de ne pas nous prendre au sérieux si on arrive et on dit les reptiles et les espèces n'existent pas. C'est comme quand les astronomes ont éliminé Pluton comme planète, les gens ont dit « Mais de quoi vous parlez? Vous ne savez pas ce que vous faites? » Alors qu'on avait une meilleure classification d'espèces. Mais il y a quand même encore une bataille. Est-ce qu'il n'y a pas encore des astronomes qui veulent conserver, qui veulent... Non, il n'y a aucun problème. On comprend bien que Pluton fait partie d'une famille, grande famille de... corps plus petits que les planètes plus à l'intérieur, qui sont des... planète naine ou petite planète glacée. Cet exemple va très bien avec les miens aussi, dans le sens que c'est une question de définition. Il y a beaucoup une question de définition. Mais la définition est importante, parce qu'on utilise les mots pour s'entendre, pour discuter, pour formuler des théories, des analyses. Il faut s'entendre sur les définitions, et souvent, les controverses viennent du fait qu'on ne s'entend pas sur la définition. Edith, vous vouliez ajouter quelque chose sur les savoirs qui dérangent peut-être les scientifiques eux-mêmes? En fait, moi, ce que j'entends, là, c'est qu'à l'intérieur d'une même discipline, il peut y avoir des controverses. Bon, ce que je viens d'entendre aussi, c'est que il y a des fractures qui peuvent être induites, là, par les scientifiques eux-mêmes dans la population à partir de ce qu'ils ont dit précédemment. Donc, c'est des théories qu'on remet en cause. Et des systèmes de représentation qui sont bâtis à partir des théories que vous allez élaborer, vous les remettez en cause. Et donc, à ce moment-là, sur le plan symbolique, ça provoque effectivement dans le public, je pense, des remises en cause qui ne sont pas sans conséquences. Fondamental, ça vient d'une préconception que la science va nous donner des savoirs parfaits. C'est faux. Et immuable. Et immuable. La science est toujours aux limites, toujours, c'est le meilleur moyen qu'on a pour établir comment est le monde autour de nous. Mais de là, penser que c'est un mode parfait de livraison de ce qu'est le monde, c'est autre chose. Il y a une procédure et toujours, pour revenir à ce que vous disiez, Edith, souvent, une nouvelle théorie apparaît, mais souvent elle englobe la précédente qui va rester très souvent valide pour un certain domaine d'application. J'ajouterais, si vous permettez, sur ce commentaire, que l'ennemi numéro un de la science ou du scientifique, c'est le désir de croire. Le désir de croire qu'on a raison. Et ça, si on présente ça dans le public, bien, on se dit, voilà, la science maintenant est disqualifiée parce qu'elle n'a aucune puissance, elle n'a aucune force, puisque la science doute de tout. Mais en fait, c'est ce qui permet à la science d'avancer. Mais c'est un scepticisme ordonné et organisé. Oui, c'est ça. Je suis heureuse d'entendre ces mots-là dans la bouche de deux scientifiques. Ça me fait énormément plaisir. Parce qu'effectivement, quand vous dites qu'on attend de la science la vérité, je pense que c'est effectivement faux. Que la vérité, ça n'existe pas. Je ne dirais pas que la vérité n'existe pas, c'est la vérité du moment. Bon, ça c'est autre chose. Mais ceci étant dit, la science ne se bâtit pas non plus de façon isolée. Elle se construit dans l'intérieur d'une société donnée, d'un contexte socio-économique donné. Elle n'est pas totalement neutre. Il faut quand même l'avouer. Là. Qui prétend que la science est neutre? Ah ben pas vous, je viens de l'entendre et j'en suis fort aise. Mais il y a des discours qui viennent de scientifiques qui prétendent le contraire. Alors on dit que les savoirs dérangent parce qu'ils bousculent des croyances. C'est comme si croire ou savoir se livrait un combat dans nos têtes. Alors qu'est-ce qui porte certains à croire plutôt que savoir? Restez avec nous pour connaître la réponse. Ici Boukhar Diouf, vous écoutez Futur Simple à CKRL 89.1. Est-ce qu'on dit point 1 ou... Non, 89.1, c'est exactement parfait, ça. Ouais. Si vous voulez un présent parfait, restez à l'écoute. Vous écoutez Futur Simple avec Valérie Levé et François Grégoire pour une émission spéciale sur les savoirs qui dérangent. Et pour en parler, nous sommes en compagnie de Jean-René Roy, astrophysicien et professeur associé au département de physique de l'Université Laval. Rebonjour Jean-René. Bonne soirée. Nous sommes également en compagnie de Edith Delery, professeure émérite de la faculté de droit à l'Université Laval et présidente sortante de la commission de l'éthique en sciences et en technologie. Rebonjour. Rebonsoir. Et nous sommes avec Cyril Barrette, professeur émérite au département de biologie de l'Université Laval, spécialiste de l'évolution et du comportement animal. Bonjour Cyril. Bonsoir à tous. En première partie d'émission, on a vu qu'il y a des savoirs qui dérangent, mais manifestement, ces savoirs ne dérangent pas tout le monde. Est-ce que ça suggère, de façon simplifiée, que les personnes qui ne sont pas dérangées par ces savoirs n'ont pas de croyances? Est-ce qu'il y a une dualité entre croire et savoir? Cyril Barrette? Oh, c'est à moi que... Mais on peut aussi laisser la... Non, ça va. Ouais. Ouais. Je dirais là-dessus que la croyance, c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus naturel que le savoir. L'enfant est naturellement crédule, et nous sommes aussi crédules jusqu'à un certain point pour croire ce que les gens nous disent, pour pouvoir apprendre, puis non pas seulement apprendre par essai-erreur par soi-même. Et même pour vivre en société, il faut un minimum de crédulité, il faut croire. Donc, croire, c'est tout à fait naturel. On reçoit... je pense qu'il y a un instinct de croire qui était très favorable à la survie de tous. Mais pour ce qui est du savoir, je pense que ce qui nous dérange dans les savoirs, à mon avis, fondamentalement, c'est que les savoirs nous disent la vérité. Bon, on pourrait discuter longuement sur la notion de vérité, mais relativement, les savoirs nous disent la vérité. Et la vérité ne fait jamais rien pour nous plaire. Donc, les savoirs s'imposent à nous. Alors qu'une croyance, on peut choisir celle qui nous plaît. On peut relativement facilement s'en départir et en choisir une autre qui nous convient davantage, alors qu'un savoir s'impose. Et s'il nous plaît, tant mieux. S'il nous déplaît, tant pis. On doit vivre avec. Donc, c'est pour ça que je pense que les croyances nous rassurent et nous consolent, alors que les savoirs peuvent nous déséquilibrer. Ils peuvent être positifs aussi, mais sinon, on n'a pas le choix. À moins de se camper dans le déni, on doit vivre avec les savoirs. Donc, la croyance, j'aborde ça peut-être juste différemment, mais dans la continuité avec ce que Cyril nous a en fait élaboré. La croyance, et surtout la croyance d'ordre religieux, et je vais plutôt faire allusion à la croyance d'ordre religieux qui appartient au fondamentalisme religieux, là, qui on peut innégociable, ou à certaines idéologies politiques, le marxisme, léniniste, par exemple, où, en fait, tout est autour d'un credo inaltérable et immuable. Donc, c'est ça, une position, c'est simple, c'est ça, et ça ne peut pas être contesté. Tandis que le savoir, surtout savoir scientifique, il n'est pas le seul, il y a des savoirs historiques, des savoirs dans les sciences humaines, etc. et tout. Le savoir a peut-être un petit noyau dur auquel on doit s'attacher pour pas avoir reconstruit chaque fois soi-même la relativité générale ou la biologie moléculaire, etc. et tout. Donc, il y a toujours un peu un noyau. Et autour de ça, on se permet en science de remettre ce nuage autour un peu plus vague, toujours en question pour mieux aborder, mieux appréhender le réel. Donc, c'est la différence que je ferais. J'abonde dans le sens de Cyril qu'on a tous et chacun, scientifiques inclus, une espèce de noyau où on croit à quelque chose pour nous permettre d'avancer. Mais on se donne toujours la liberté de remettre en question. De revenir, c'est ça. En tout cas, pour le moment, je vais simplement dire ça, mais on va y revenir. Il nous reste encore un peu de temps dans cette émission. Je crois que ce qui est important, c'est effectivement cette liberté de pouvoir revenir, en fait, sur ce qui a été fait précédemment et non pas rester dans un credo, comme le disait Jean-René, là, dont on ne peut pas sortir. Malheureusement, on constate qu'il y en a quand même encore. Là, vous prenez effectivement le créationnisme, les climato-sceptiques. Il y a quand même des courants de pensée très forts là, qui subsistent. Là. Peut-être aussi parce que les savoirs actuels les dérangent, encore plus qu'avant, peut-être. Bon. Mais il demeure que il y aura toujours, je dirais, une partie irréfractible, effectivement, de la population qui sera ancrée dans ces croyances-là fort profondes. Là. Moi, je pense que j'ai une hypothèse à ce niveau-là. Parce que ça m'intéresse de comprendre pourquoi il y a des gens qui sont des croyants fanatiques, prêts à tuer. Hein. Donc, et d'autres que pas du tout. Et la majeure partie de la population est entre les deux. Et c'est peut-être à Cyril de répondre à ça. Je me demande si c'est pas au fond fondamentalement dans la nature humaine. Comme tel. Donc, biologiquement, on est construit comme société, comme collectivité, qu'il y en a un groupe qui va toujours poser des questions, toujours explorer les frontières, et il y en a un autre groupe qui va recevoir l'ordre de croire, de faire telle chose pour, finalement, si vous êtes un soldat sur le champ de bataille, vous commencerez pas à poser des questions sur la nature de l'univers ou d'essayer d'interpréter et remettre en question la décision que le commandant le plus proche vous donne. Vous devez croire, obéir, que c'est la même chose. Donc, est-ce que collectivement, on n'a pas besoin d'avoir une fraction d'individus qui est sceptique, qui questionne toujours, et une autre fraction qui, elle, obéit aux ordres, que ce soit un ordre religieux ou idéologique, politique, qui permet finalement une collectivité de tenir. Et en fait, il faut peut-être vivre et accepter cette situation. Mais je pense que ce qui joue d'une façon tout à fait centrale sur cette question, c'est le doute, l'importance du scepticisme ou l'importance du doute. Mais donc, les savoirs sont construits sur le doute. Si c'était construit sur la croyance, par exemple, si au Moyen Âge on avait conservé les croyances, si personne n'avait douté des connaissances de l'époque, on serait encore au Moyen Âge. Il a fallu que quelqu'un en doute. Mais je ferais la distinction entre le doute de la connaissance et le doute de l'ignorance. Et je reviens ici au climato-sceptique, l'expression climato-sceptique. Moi, je trouve que sur le réchauffement climatique, ce que je considère les climato-sceptiques sont très utiles. Parce que c'est des gens qui remettent en question les méthodes, les données, les analyses, les conclusions. Et ces gens-là font avancer parce qu'ils doutent. Mais il faut les distinguer des négationnistes du réchauffement climatique. Le négationniste, lui, c'est une position dogmatique, doctrinaire. On pourrait le bombarder de toutes les données qu'on voudrait, toutes les nouvelles analyses qu'on voudrait, puis lui dire que 99 % des spécialistes ont conclu de cette façon, ça ne changerait rien. Alors, les négationnistes de l'évolution, c'est les créationnistes, par exemple, les négationnistes du réchauffement climatique. Il y a des négationnistes de l'Holocauste, il y a des négationnistes du fait que l'homme a marché sur la Lune, etc. Il y a même qui croient encore que la Terre est plate. Il y en a même qui croient que la Terre est plate. Donc là, il y a une position dogmatique, fermée, qui ne laisse pas, eux-mêmes ne doutent pas de leur propre position. Alors qu'une des forces de la science, c'est de douter, puis de toujours remettre en question. Remarquez qu'il y a des choses dont on doute moins que d'autres. Je serais très surpris qu'on remette en question la sélection naturelle. Mais si ça arrivait, je serais heureux, parce que ça voudrait dire qu'on a trouvé mieux. Donc on garde toujours. Jean Rostand disait, il faut garder l'esprit ouvert, mais en garder très sévèrement l'entrée. Donc je pense qu'il faut douter, ça permet d'avancer, mais c'est un doute qui est fondé sur la connaissance et un doute qui a comme objectif d'améliorer la connaissance. C'est pas le doute de l'ignorant. L'ignorant qui connaît rien au réchauffement climatique, qui dit que ça se peut pas, que c'est pas vrai, qui nie carrément. C'est pas un doute utile. C'est un doute qui est destructif. C'est un doute radical. C'est pas le doute qu'on recherche. Je pense que la distinction que vous venez faire est très importante. Là. Il faut distinguer le négationnisme là, effectivement, de l'esprit critique là, qui remet en cause, effectivement, qui remet en doute tout ce qui a été présenté à l'appui des théories proposées. Mais c'est quand même délicat comme position parce que les négationnistes vont dire, vous voyez, moi, je pratique le doute. Oui, mais non, il y a deux qui peuvent prétendre qu'ils pratiquent le doute. C'est le doute de l'ignorance. Ben oui, c'est ça, c'est le doute de l'ignorance. Ouais. Il y a deux niveaux de. Il peut y avoir un scepticisme ou un déni, entre guillemets, qui peut être, je dirais, sincère, mais on l'a vu et on le voit encore dans la société. Il y a un déni, par exemple, on pense à tout le problème de l'industrie du tabac avant que cette industrie accepte. Donc, il y avait un déni des évidences médicales qui étaient présentées, comme aujourd'hui, il y a un déni des évidences qu'on a de réchauffement planétaire anthropique forcé, donc par action humaine. Et pour c'est la partie des gens, moi, qui m'inquiète, c'est cette partie des gens qui le fait pour des raisons malicieuses, oui, bien sûr. Pour tromper. Ils le savent que les choses se passent, les choses changent très rapidement, et ils le nient pour favoriser certains intérêts. Ils le font malicieusement. C'est ce qu'il faut contrer avec force. Et le problème, c'est qu'on vit tous ensemble. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là pour parler à tout ce monde-là? Quelle attitude on devrait adopter pour finalement tous parler de façon cohérente, enlever ce déni? Ah, il sera toujours là. Il existera toujours, je pense, comme Jean-René l'a dit en des mots très clairs. Là, je pense qu'on aura toujours une fraction de la population qui exprimera effectivement ce négationnisme par rapport effectivement au développement parce qu'ils ont des intérêts de le faire. Ben, il y a des intérêts, mais il y en a aussi qui sont profondément convaincus. Ouais. Je pense qu'il faut distinguer les deux. Oui, là, exactement. Je pense que c'est très important parce que là, il y a des intérêts économiques qui entraient en jeu avec l'exemple du tabac. Il y en a d'ailleurs toujours des présents par rapport à tout ce qui est sucre dans les boissons, dans les canettes. Là, bon. Et il y a les individus qui croient profondément, effectivement, le Créateur, c'est Dieu. Bon. Je pense qu'un des grands défis auxquels on fait face, c'est que j'ai vécu dans plusieurs débats avec des créationnistes, par exemple, qui sont tout à fait sincères et je ne remets jamais en question la sincérité de leur témoignage ou de leur croyance, c'est que les croyances qu'ils ont acquises, ils les ont acquises sur la base des émotions et non pas de la rationalité. Mais c'est des croyances souvent sur des sujets qui sont très importants pour eux. Donc, on ne peut pas penser pouvoir changer ses croyances, sans question. Changer ses dogmes, changer ses convictions par la rationalité, par des données concrètes, par des données probantes. On ne peut pas faire ça. Il faut faire appel, et je ne sais pas comment on peut faire ça, à une émotion qui pourrait changer l'acquisition. Mais on n'est pas habile à faire ça comme scientifique, non. Parce qu'on va les bombarder de données convaincantes, d'analyses convaincantes, et puis ça ne sert à rien. Ça passe tout droit. Il y a une ambiguïté aussi, je l'ai vu moi au cours de ma carrière, et même dans les années récentes. Je donne deux exemples. Je me souviens, j'étais à une conférence sur la découverte du monde des galaxies à l'île de Nantucket, aux États-Unis, au Massachusetts, il y a quelques années. Je me souviens, quelqu'un très intéressé qui était là, et puis à la fin, je sais pas, il pose une question, je réponds à la question, puis j'avais expliqué l'univers, le Big Bang et tout, etc. Et il me dit simplement, il dit, je comprends tout ce que vous dites, mais je ne vous crois pas. Mais il était intéressé au sujet. Et je sais, moi, pour avoir collaboré avec des gens qui travaillent au Congrès américain, qui sont des fondamentalistes religieux et qui sont pour le financement de la science. Ils croient que le monde a été créé il y a 6000 ans, mais ce sont des supporters, par exemple, du programme spatial, du télescope Hubble. Ils ont dans leur bureau, je ne les ai pas vus moi-même, j'ai un collègue qui est allé, un représentant de la Chambre des représentants, républicain, fondamentaliste religieux, les murs tapissés de photos de galaxies, de planètes et tout. Donc, d'une certaine façon, c'est quelqu'un qui réussit à catégories dans son esprit, à quelque sorte harmoniser ces univers. Et ça fait partie des gens avec qui on est. Donc, il faut faire attention de ne pas condamner en bloc, parce que on n'est pas capable d'être dans la tête de ces gens. Mais il y a des points de vue surprenants. Comme tel, des points de vue surprenants de gens qui vont avoir des attitudes de base vis-à-vis de la croyance complètement différentes des nôtres, mais qui ne sont pas, entre guillemets, des ennemis de la connaissance et du savoir. Bien au contraire. Mais je dirais que cette personne-là n'a pas compris ce que signifiait croire. La différence entre croire et savoir. Oui, exactement. Pour lui, c'est du domaine de la croyance, c'est du domaine de l'acceptation sans bonne raison. Oui. C'est une personne qui a peut-être une croyance très élastique, d'une certaine façon. Donc, il y a peut-être, au lieu de faire des catégories différentes pour dire je suis croyant, je crois en un être suprême, et en même temps, je fait ma carrière scientifique, ma recherche sans aucune obstruction. Cette personne-là, que ce représentant, lui, il fait le mélange et pour lui, ça marche. Et ça, c'est étonnant. Difficile à concevoir. C'est difficile à concevoir. Mais ça existe. Je connais des exemples aussi. Et c'est juste pour un peu signifier que quand on parle de dialogue, d'abord, faut pas que ce soit unidirectionnel, faut que ce soit bidirectionnel. Et il y a des gens avec qui il faut se mettre à l'écoute parce qu'ils sont pas malicieux. Mm-hmm. Elles ne sont pas malicieuses. C'est ça la distinction à faire. Et si on regarde maintenant les recherches qui dérangent, les savoirs qui nous dérangent parce qu'elles vont mener vers des applications futures qui sont peut-être qui nous dérangent, comment est-ce qu'on doit les prendre en compte? On doit les baliser? On doit les écouter? On doit écouter tous ces gens-là? De quelle façon? Ils ont aussi ils sont dérangés pour des raisons qui sont parfois émotionnelles, des fois, parce que oui, on se pose vraiment des questions d'ordre éthique, puis des fois, c'est peut-être plus de niveau émotionnel. Il faut distinguer ce qui est ressorti de l'émotivité de ce qui est ressorti de la recherche du bien commun. Bon, je pense qu'il faut établir des balises, effectivement, par rapport à des recherches qui peuvent déranger. On en a parlé tout à l'heure, là, bon. Il s'agit aussi de pouvoir dire que ces balises-là ne sont pas immuables, nécessairement. Ouais. Parce qu'il faut, effectivement, tenir compte de l'évolution des connaissances. Bon. Donc, il faut penser que c'est toujours à réfléchir, toujours à repenser. Dans cette perspective-là, je pense que c'est important effectivement de mentionner que des balises, là, c'est pas quelque chose de figé dans le temps, là. Ça peut aussi, c'est pas quelque chose d'immuable. Ça peut évoluer. Mais en fait, je pense que ces balises-là, il faut qu'elles soient établies avec les scientifiques. Quand on parlait de dialogue il y a un instant, là, je pense que c'est important parce qu'il faut effectivement qu'il y ait un dialogue qui s'instaure entre les chercheurs, les scientifiques, bon. Et ce dialogue-là, il doit, à mon avis, s'établir dès le départ. En fait, il faut établir l'établissement de l'élaboration d'une théorie qu'on cherche effectivement éventuellement à valider et faire en sorte qu'il y ait une réflexion à laquelle participent des gens des sciences humaines et sociales et les chercheurs qui œuvrent dans le domaine, que ce soit des biologistes, des astrophysiciens, des généticiens. Mais je pense qu'il faut effectivement, d'abord, premièrement, quand je parlais aussi de la nécessité d'avoir un débat de société sur certaines avancées scientifiques, ça suppose aussi que bon, il y ait une culture scientifique qui soit beaucoup plus développée au sein de la population. Parce que ça, c'est un problème auquel on se heurte à l'heure actuelle. Puis un problème de culture générale aussi, je dirais. Donc, on est en train, effectivement, je pense que dans les années qui viennent de s'écouler, les 10 dernières années, on a mis effectivement un effort très sérieux sur le développement des connaissances scientifiques, le développement, effectivement, dans les établissements universitaires et dans les établissements collégiaux, d'une formation scientifique. Parce qu'effectivement, on est dans une économie du savoir à l'heure actuelle. L'idéal, ce serait qu'on devienne une société du savoir. Donc, c'est là que j'en reviens, effectivement, avec cette nécessité d'avoir une population qui possède des connaissances sur le plan scientifique. Il ne s'agit pas d'avoir des connaissances extrêmement pointues, il s'agit de comprendre. Bon, il s'agit de voir comment on évolue. Et à partir de là, on sera capable, effectivement, plutôt d'avoir un dialogue tous ensemble pour savoir où on veut aller, bon, jusqu'où on veut aller. Mon exemple favori d'un savoir qui va certainement bouleverser l'ensemble de la pensée de l'humanité, c'est le jour où on découvrira une forme de vie extraterrestre. Et je pense que ça va changer complètement la façon de penser sur la nature de l'humain, sur notre place dans la nature, sur la nature de la vie. Ça va bouleverser la pensée des théologiens, des philosophes, des biologistes, des astrophysiciens. Et Jean-René me corrigera, je pense que c'est à ce sujet, est-ce qu'il n'existe pas un protocole international sur la façon de présenter l'information? Le premier laboratoire, les premiers chercheurs qui vont réussir à détecter une forme de vie, par exemple, intelligente, ou une forme de vie ailleurs, il me semble qu'il y a un protocole international qui dit on peut pas annoncer ça à l'ensemble de l'humanité de n'importe quelle façon. Je suis pas au courant d'un tel protocole. Et s'il y avait quelque chose, en fait, d'ailleurs, je pense que c'est pas clair comment tout cela arriverait. Je reviens à ce que disait, ce que demandait Edith, d'essayer dès le départ de prédire, entre guillemets, et de penser à mettre certaines balises. Je trouve que c'est très difficile parce que c'est la nature de la recherche scientifique de démarrer quelque chose sans savoir où exactement ça va aller. Et c'est après un certain temps. Donc, il y a un peu un mode où on établit, on décrit l'univers, on décrit ce qu'il y a autour de nous, et tout d'un coup, en faisant ça, quelqu'un il trouve que je peux prendre ça, ce petit morceau-là, et en faire une application. Donc, le code CRISPR est absolument magnifique dans ce cas-là, en biologie moléculaire. Donc, pour revenir à l'exemple, moi, je prendrais l'attitude un petit peu opposé, Cyril. Je pense que si aujourd'hui on annonçait qu'on a découvert de la vie sur une planète de Proxima Centaure, tout proche, ici, je pense que ça aurait très peu d'impact. Ah oui. Je pense que les gens sont un petit peu saturés, d'autant plus qu'on annonce pratiquement maintenant toutes les semaines la découverte d'une planète et les scientifiques eux-mêmes un peu mettent un peu d'enfer. Il y a peut-être de l'eau. Puis automatiquement, des gens disent il y a peut-être de l'eau, donc il va y avoir de la vie. Donc, on fait cet enchaînement logique. Donc, les gens vont dire, finalement, mais il semble qu'ils l'ont annoncé il y a deux mois, ceux qui avaient découvert la vie. Donc, il y a un peu une espèce de fatigue, de saturation dans ce domaine-là. Et d'ailleurs, moi, je pense qu'on ne découvrira pas facilement la vie parce qu'on recherche trop une forme de vie semblable à celle qu'il y a ici. Oui, ça, c'est un problème majeur. Ça, on fait face. On est omnibilé par le seul exemple qu'on connaît. Et l'autre chose aussi, là, je critique mes collègues scientifiques, ceux qui font de temps en temps appel aux extraterrestres pour expliquer un nouveau phénomène dans le ciel. Ça revient régulièrement. Et je reproche un manque d'honnêteté et sûrement un manque de rigueur scientifique à certains qui, tout d'un coup, un phénomène bizarre qu'on observe, ils vont dire « Ah, c'est peut-être des extraterrestres ». Au Moyen-Âge, on parlait d'anges, d'intervention divine, et aujourd'hui, on parle d'extraterrestres tout d'un coup. Et en astronomie, s'il y a un domaine où on devrait se retenir un peu, parce que l'univers est grand et toujours rempli de surprises, de faire appel aux extraterrestres. En tout cas, l'avenir nous dira si tu as raison ou si j'ai raison sur l'aspect révolutionnaire de la découverte en question. Et comme le disait Jean-René lors de la préparation de l'émission, il y aurait suffisamment de matière pour en parler 3 heures. Alors, la réflexion n'est donc pas close et chacun peut la poursuivre à partir des éléments apportés au fil de l'émission. Et ne vous gênez surtout pas pour la réécouter en balado-diffusion sur archive.org ou sur notre page Facebook. Et puis, merci beaucoup à nos 3 chroniqueurs. Je pense que la discussion a été passionnante. Donc, nous, autour de la table, il y avait Jean-René Roy, astrophysicien et professeur associé au département de physique à l'Université Laval, Edith Delery, professeure émérite de la faculté de droit à l'Université Laval et présidente sortante de la commission de l'éthique en sciences et en technologie, et Cyril Barrette, professeur émérite au département de biologie à l'Université Laval. Merci également à Marie-Claude Dionne à la mise en onde. Un grand merci, Marie-Claude. Et c'est maintenant l'heure de retrouver François Samuel pour Transmission transversale.